Bah déjà, mon nom, c'est Olivier Aubert. Je suis, comment définir, un scientifique, disons. Ouais. Voilà, ça c'est ma base. Et puis, art aussi. Voilà. Donc j'essaye de concevoir des projets entre art et science, en fait, depuis très longtemps. J'ai quand même 53 ans, donc j'ai fait pas mal de choses déjà. Des projets qui sont en général, oui, entre art et science. Et depuis peu, je suis chercheur associé à la VUB, dans un labo de recherche en sciences cognitives, théorie de l'évolution, complexité. Et associé aussi à un laboratoire qui s'appelle le Global Brain Institute. Donc, sur cette idée, pour explorer cette idée un peu futuriste d'un cerveau global, planétaire. Et au-delà d'ailleurs. Voilà, ce sont deux labos très, très internationaux, avec beaucoup de maths, de philosophes, de chercheurs, un peu dans toutes les disciplines, et qui discutent sans retenue, et sans tabou de beaucoup de choses.